Suzette, c'est fou. Oh, Coconut Island. C'est pas mal. Myriam Fugère nous parle de jeux de rôle dans sa chronique culturelle. Et on parle d'aide financière avec Yann Martel. C'est un assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 21 septembre 2011. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et moi c'est Mathieu Plante. Et moi François Olivier. Et bienvenue à l'émission la moins controversée des ondes, Assemblage requis. On vous flatte dans le sens du poil. Ce matin, on est gentil avec vous. On vous offrant de la bonne musique et du bon contenu. Exactement. C'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on fait, François. Bon. Est-ce que tu as envie aujourd'hui d'une chronique, je te dirais, sur les jeux de rôle et sur l'influence des jeux en ligne dans notre vie? Avec Myriam, s'il vous plaît. Avec Myriam, ça me fait drôle parce que Myriam, je trouve pas qu'elle a l'air d'une personne qui jouerait à World of Warcraft. Non, non, du tout. Hein. Mais peut-être. Peut-être. Peut-être que son frère joue à ça. Ou... Peut-être. Peut-être elle. Peut-être qu'elle a pas de frère. Peut-être qu'elle a pas de frère ni sœur. Peut-être qu'elle est enfant unique. Peut-être qu'elle a des deux sexes. Peut-être hermaphrodite. Peut-être un paquet d'affaires. On va demander. On a aussi à l'émission d'aujourd'hui Yann Martel. Oui, qui va nous parler en fait des régimes enregistrés d'épargne études, des placements universitaires, ceci, tous les autres produits financiers offerts aux parents et aux étudiants pour financer leurs études. Et on va aussi aborder les interférences avec le programme des prêts et bourses du ministère. Ah. Donc une chronique dont on peut se servir. Oui, ben, tout le temps. Ben, tout le temps, tout le temps. Ça peut être pratique. Ça pourrait être le nom de sa chronique. Ouais. Et on pourrait dire que Yann Martel est l'homme dont on peut se servir. Ah, peut-être pas. Pour les conseils financiers. Ah oh oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Non, ça fait bien avancer. D'accord. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, une chronique, c'est un fait. On va avoir, entre autres, un fait sur un homme qui a laissé comme note de... Là, c'est un petit peu déprimant. Une note de suicide. Hein? Dans un mot croisé. Oh. C'est un peu déprimant, hein? Ouais. On va aussi parler de popcorn pour déjeuner. Petite suggestion, vous cherchez quelque chose à manger, vous avez plus de cornflakes, mettons. Tu sais, c'est fait avec du maïs, des cornflakes. Ouais. À la place du popcorn, comme déjeuner. T'as reconnu que c'est un fait tantôt. Ça va être intéressant. Pas mal, pas mal. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui à Assemblage requis. Mais on va commencer en musique. C'est rare qu'on commence avec du Malajube. Ça va nous mettre dedans un peu. Voici Le Bizarre de Malajube sur leur album La Caverne au 89.1 FM. C'est fou. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma. À me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Omar de Peter Peter à Assemblage Requis. J'aime ça, cette chanson-là. Oui, hein, c'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Ben oui. François-Olivier, jeudi Monsieur soir, Pont. C'est la fête à la mousse. Oui, effectivement, partie de mousse au 10-12. Fomparé. Ici, en fait, c'est 12h en pré-vente et 15h à la porte. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de mousse qu'il va y avoir dans le 10-12 de chaque côté. Donc, l'Association des étudiants en récréologie, ce qu'on appelle l'ADER, est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de voir au bon fonctionnement de la vie académique et de la vie étudiante de ses membres, soit les étudiants en loisirs, culture et tourisme. Donc, ils vont faire, c'est ça, ce party de mousse pour promouvoir la profession de récréologie et le financement de l'organisation à la création d'activités qui assureront l'harmonie au sein du baccalauréat. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le 3RFoamParty.com ou encore sur Facebook, c'est 3RFoamParty. Je pense que ça va être, en fait, un beau party. Oui. Parce que Stéphanie Boilard est venue plus tôt cette semaine. Mm-hmm. Elle est venue nous parler du fait, d'ailleurs, qu'elle avait gagné 5 000 $ dans un concours. Oui. Donc, ils ont investi 5 000 $ là, dans ce party-là, en fait. C'est ça. Ils ont assuré l'édition de l'année prochaine. Exact. Et puis, ils ont consolidé celle-là en augmentant un peu, en fait, tout, là. Exact. On attend plusieurs centaines de personnes dans 10-12. 700, qu'est-ce? 700? Ouais. C'est plus que l'année passée où il y avait eu 600. Ouais, ouais, c'est ça. Ça avait passé très près d'être jam-packed, là. Ouais, c'est ça. Selon les mesures de sécurité, évidemment, le 10-12 a un nombre exact de personnes maximales qui peuvent entrer dans la salle. Exactement. Ouais. Exactement. Et jeudi aussi, d'ailleurs, il y a une belle activité pour les étudiants, des fois, qui se cherchent un travail. Et ça se déroule à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition. Et c'est le jeudi, évidemment, le 22 septembre, de 9h à 18h. En fait, c'est la grande fête de l'entraide, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs gagner un ordinateur portable. Oh! Oui, en allant porter son CV. Bonne idée. En plein, en plein d'organisation. Ben ça oui. Peut être intéressant. C'est ça. Voilà donc, tout à l'heure, il y aura la chronique « C'est un fait » qui s'en vient dans quelques minutes. On va parler du fait que les animaux sont faits pour répondre aux animaux dans le sens que, tu sais, on a une meilleure réaction dans notre cerveau quand on voit les animaux. Une meilleure réaction? Une activité dans le cerveau très, okay. Très prononcée lorsqu'on voit des animaux. OK. On en parlera tantôt. OK, ben d'accord. Oui. Pour l'instant, on écoute Camp Radio sur leur album « Campista Socialista ». Voici « The Girl Who Stole My Motorbike ». Assemblage requis sur ces... Girl who The Pack ID avec la pièce Haunt You dans l'assemblage requis. Avec Mathieu Plante. Et François Hugues Marchand. J'adore ton petit briefon. Merci beaucoup. Alors, voici un autre. Je vais le faire avec ma bouche. C'est le bloc qui était deux fois. Attends, je vais essayer. Il faut que je me mette dedans. Ouais, concentre-toi. La la la. La la la. La. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. T'es bon, Matt? Hey, merci. T'es vraiment bon. Pas pire, hein? Mais c'est quoi, au fait? C'est quoi, au fait? Attends, la collègue, c'est pas au fait. C'est, il était deux fois. OK. Deux fois, comme dans le corps, t'as deux fois ou deux poumons? Deux... Habituellement, oui. Deux fois? Ouais. Deux fois? Ben, t'as deux t'as poumons. Un fois. Ouais, c'est ça. Pas non, un fois, un fois. Un fois? Un fois. Un fois, ben là, ça marche pas de bord. Un fois, deux poumons. OK. D'accord. Non, la chronique, il était deux fois, c'est... je t'explique, là. C'est, on prend deux... comment on appelle ça, déjà? Deux artistes? Deux artistes, OK, oui, artistes, parfait. Mm-hmm. OK, tu laisses les prendre? Ouais, c'est ça, tu les prends. Tu prends deux artistes. Ah, c'est quand même simple, check. Autour de tes deux bras. C'est bien, hein? Check, j'en ai un. Wow, OK. Un. J'en ai deux. Deux artistes! Non, tu prends un seul artiste. Ben non, tu viens de dire deux. Non, j'ambitionnais un peu. Là. C'est plus mes fantasmes que d'autres choses. Okay. Faut prendre un artiste. Deux artistes. Et ou groupe. Non, c'est ça. Okay. Tu prends deux chansons de ce seul et même artiste et ou, surtout ou, groupe. Et ou, surtout ou, ben parce que groupe. C'est pas vraiment, c'est plus ou. OK, donc en fait, là, comme un gars comme, mettons, Vincent Vallière qui est tout seul à la guitare, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Ah. Attends, je suis plus sûr. Qui te mêle? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne pas. Lui, on peut pas le faire. Non. À la place, on pourrait prendre, mettons, Mother. OK, oui. Mettons, parce que lui, il a deux fois le même mot. Ouais, c'est ça. Aussi. Est-ce ça que prend ça? C'est peut-être ça le principe. Je pense que c'est ça. Ah, OK. Deux fois le même mot. Donc, ça pourrait être, mettons, radio ou. OK. Ouais. J'aime ça, simple. Ouais. J'aime ça. C'est ça. C'est plus compliqué que ça en a l'air, hein? Non. Mother, on va écouter deux pièces de leur album Eureka. On va entendre tout à l'heure. Non, en fait, on va entendre deux pièces de leur discographie complète. Ils avaient un album dans le temps qui s'appelait Oh My Heart. On va entendre la pièce Oh My Heart, une de tes préférées. Je sais que tu l'adores. Mm-hmm. Plus tard dans le bloc, mais on va commencer avec leur pièce Aspiring Fires. C'est la pièce du palmarès en ce moment. Celle-là aussi, merveilleuse, hein, chanson. Elles sont toutes bonnes. C'est ça l'affaire. Formidable. C'est Mother dans le bloc, il était deux fois où on joue deux pièces d'un seul et même artiste. C'est bon? OK. Je te ferai un dessin. Ouais. Pas très bon à dessin, j'espère. Ça peut être compliqué la chose. Moi, c'est correct sans dessin. Baby, so you think you're no crazy. I think you know. What? as you get put out if you don't get a little wild. Try again, try again, get it right. You don't got to do the legend. Just a little mind. You're not getting it right. Baby, you wanna see me crazy. Heart de Mother Mother à Assemblage Rocky dans le bloc. Il était deux fois le même artiste avec pas la même pièce. C'est ça. Hey! Du premier coup, comment t'as fait ça? Non, mais j'ai vraiment porté attention à ce qu'il joue en onde. Okay. J'ai écouté, je me suis pris des notes. Donc, écoute, c'est pas mon explication exhaustive de tantôt là, et le malaise que ça a pu créer. Non, c'est vraiment pas ça. C'est ta propre volonté. Tu fais bien de t'écouter toi-même. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Comme dit le dicton cliché. Donc voilà pour l'été deux fois. On en fera un autre une autre fois. Hein. Un seul groupe et ou artiste et puis deux pièces. Hein? C'est tout. C'est ça. C'est ça. Ouais, on prend une pause. On vient avec C'est un fait pour vrai. Puis c'est ça. Assemblage Rick. Assemblage Rick. Ça, c'est fou. Avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand, je trouve dans la nouvelle. Tu es encore là demain. Merci. C'est fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Pendant qu'on essaie de comprendre la nouvelle façon de faire sur Facebook, on en parlera peut-être tantôt. On va se faire une petite chronique, c'est un fait. C'est un fait! Caroline, il y a de l'enthousiasme là-dedans, wow, hein? Wow! Je suis content, moi. Cool. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, les Big 3V, les Big B's. Savais-tu que le Musée de la science de Londres a demandé à 3000 adultes ce avec quoi ils ne pouvaient pas vivre? OK? Ce avec quoi ils ne pouvaient pas vivre? Ce sans quoi ils ne pourraient vivre? Okay. Tu pourrais pas vivre sans ça. Est-ce que tu comprends? Bon. Ben, ouais. J'ai pas la liste au complet, mais le numéro 5 était Facebook. Ben, ils peuvent pas vivre sans Facebook. Faut pas charrier. C'est devant flusher les toilettes. Hein? C'est numéro 9. Je pourrais pas flusher de toilettes. Ouais, ça a aucun sens. Les humains sont faits pour répondre aux animaux d'une façon particulière. Donc, ça veut pas dire qu'ils vont répondre positivement. Ça peut être négatif aussi. Mais donc, les études de l'amygdale humaine. Mm-hmm. Ont découvert ces études-là. Donc, le stimulus ou le stimuli, je crois au singulier, de regarder un animal, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas un humain, donc un animal, va causer une activité des cellules très intense dans le cerveau. Beaucoup plus que si tu regardes un humain ou un objet inanimé. Et c'est vrai, peu importe l'animal, que ce soit un animal de compagnie ou un animal dangereux, là, sauvage, ton cerveau réagit très, très intensément en voyant un animal. OK. Étrange, hein? Ouais, quand même. C'est pour ça qu'on s'attache à ces petites bêtes-là. Mais pour ça aussi, la zoothérapie, là, oui. la pression baisse, les pulsations aussi, le pouls. En fait, ça diminue, ça relaxe, en fait, les gènes. Ouais. Tu sais, en prison, on avait fait un fait là-dessus. En prison, il y avait des chats. Tu sais, les prisonniers pouvaient avoir des chats. Ça les calmait, ils étaient moins violents envers les autres. Donc, que du bien, que du bon. Nouvelle un petit peu déprimante. Ici, un homme a laissé comme note de suicide un mot croisé fait à la main. C'était dans un café de Budapest en 1926 où un serveur s'est suicidé, donc laissant un mot croisé, vide, comme explication. Donc, selon une publication européenne qui s'appelle The Rotarian, la note qui était laissée avec le mot croisé a dit « La solution vous donnera les raisons exactes de mon suicide et aussi les noms des personnes reliées à ce suicide-là. » Donc, c'est leur faute. Hein? La police a demandé au public s'ils pouvaient résoudre le mot croisé. Personne n'a réussi. Ah non? Personne n'a réussi. Là, il s'est trompé. Peut-être, je sais pas. Mais le mot croisé a été envoyé à une fille, Sophie Morgan Stern, ou en tout cas par son frère, a été comme envoyé à plusieurs personnes. Et bref, la fille, maintenant, cherche encore des indices. Depuis 1926, en fond, cherche des indices pour essayer de comprendre le suicide de son frère. C'est ce que ça veut dire. C'est triste. Hein? Dans les États-Unis coloniales, le popcorn ou le maïs soufflé était utilisé comme céréale de déjeuner. Du popcorn dans un bol, particulièrement avec de la cassonade dessus. C'était un plat très, très connu et très apprécié en Amérique du Nord. C'était encore très commun au milieu du 19e siècle. L'idée d'origine vient des Amérindiens, les Américains natifs. Au début de l'Amérique, dans le fond, les frères Kellogg n'avaient pas encore inventé les cornflakes, donc le popcorn était la meilleure alternative à ce moment-là. En fait, la femme de John Harvey Kellogg, qui s'appelait Ella, était une fan, une amateur et amatrice de ce plat de déjeuner. Elle disait que c'était bon pour la santé et facile à digérer, voilà. Si vous voulez l'essayer, une recette sur le site assemblagerequis.com, le lien recipe là, à la fin de l'article, pour faire vous-même votre propre bol de popcorn. peut-être la version hein, 100 beurre. T'sais. Ouais, si tu veux le matin. Bon. Ouais. Quoi que du beurre pour déjeuner, c'est très bon, mais c'est juste pas très bon pour la santé. Hein? Peut-être que c'est le lait en même temps. Je suis pas nutritionniste, ça paraît. Je me vante pas du tout de mes talents de nutritionniste. L'homme qui a découvert les effets visuels 3D pouvait pas les voir, ces effets-là. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle dans un œil. Ah, ouais? Oui, Dr. Carl Paul Fritsch. Comment est-ce qu'il a fait pour inventer ça d'abord? Ben, très, très, très, très bonne question. Donc, c'était un pionnier du design des stéréoscopes, donc les images qui ont l'air d'être en 3D, mais qui sont composées de deux images 2D, un peu comme un Viewmaster, là, tu sais, le truc là, avec. C'était comme des jumelles que tu mettais devant ta face, puis tu cliquais sur un bouton, puis il y avait des slides. Okay, okay, dedans. Oui, oui, oui. Bon. Donc, cet effet-là, il l'a observé, il l'a documenté dans ce qu'on appelle maintenant le Porritt. Je sais pas comment le prononcer, Porritt Effect. Donc, l'illusion d'une profondeur créée dans le cerveau en voyant un objet avec un filtre sombre appliqué sur un seul des deux yeux. Donc, je sais pas en effet comment il a fait pour découvrir ça, c'est pas expliqué. Mais l'effet est la base derrière les films 3D qu'on voit aujourd'hui en cinéma. Dans les mots de Paul Fritsch lui-même, je n'ai jamais pu observer ces effets moi-même parce que je suis aveugle dans l'œil gauche depuis 16 ans. Mais peut-être qu'il comprenait le principe, peut-être qu'il avait déjà essayé quand il était plus jeune et tout ce qu'il a eu besoin, c'était un cobaye pour voir les effets et lui dire si ça fonctionnait, parce qu'il savait déjà comment ça fonctionnerait, parce qu'il était intelligent, j'imagine. C'est ma théorie. Hein? Ouais, ça se peut, ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Savais-tu que toute la nourriture produite pour consommation par des humains, de toute cette nourriture-là fabriquée, le tiers est gaspillé? Mm-hmm. C'est une étude de United Nations Food and Agriculture Organization, une étude qui a été publiée sur la perte de nourriture et le gaspillage, a découvert que plus de 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée ou perdue à chaque année. C'est donc un tiers de toute la nourriture produite dans le monde. Pendant ce temps-là, on dit qu'il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de faim dans le monde. D'ailleurs, il y a le mouvement, l'organisation internationale Global Food Banking Network, ou GFN, qui travaille très, très fort pour sauver cette nourriture-là. D'ailleurs, ils sont partenaires avec Kellogg, dont on parlait tantôt, la compagnie de céréales, pour distribuer la nourriture que Kellogg ne peut pas vendre pour raison quelconque. Donc, ils peuvent redistribuer ça dans des endroits où on a besoin de manger. C'est bien. C'est cool. Un tiers de la nourriture gaspillée. Mais en même temps, tu sais, je comprends pas, tu sais, mettons les parents, tu sais, qui vont dire à son enfant, alors, mange, là, tu sais, il y a des enfants qui meurent dans le monde de faim, ouais, mais ta nourriture, tu la jettes dans la poubelle ou tu la manges. Tu sais, elle va de toute façon pas aux pauvres. Là. Fait que ça change pas grand chose que tu la jettes, tu sais. Si tu la jettes, tu l'enverras pas, non, tu sais. Ouais, non, je comprends. Une drôle de forme de torture est de se faire lécher les pieds par une chèvre. Méthode qui vient de l'Europe médiévale. Oui, waouh. C'est une forme de ce qu'on appelle tickle torture, ou la torture par le chatouillement. Ça fait plus mal qu'on le croit, parce que les pieds de la victime sont trempés dans de l'eau salée, ou dans certains cas, du sucre. La chèvre est amenée pour lécher le sel sur le pied des victimes, et comme c'est rugueux, ben, ça commence à être... au début, c'est du chatouillement, mais après ouais, ça va dans la peau. Ça use, ouais, c'est ça, exactement. Ça use. Donc, c'est très, très, très intense. Cette torture-là continue jusqu'à temps que la peau de la personne soit arrachée complètement. Je sais pas si ça se fait encore, mais c'est dans l'Europe médiévale. Mon Dieu. Il y a une presque vraie planète Tatooine. Tu sais, Tatooine dans Star Wars, la planète avec deux soleils. Là. Donc, pour la première fois ever, hein, alors, les astronomes ont réussi à trouver une planète avec deux soleils. C'est le système Kepler-16 qui est une paire d'étoiles binaires avec une grosse planète qui fait orbite autour de ça. Et là, je fais que lire l'article, je ne le comprends pas. Donc, si je dis les mots dans le mauvais ordre, vous me corrigerez. Les astronomes ont découvert que la planète est à 200 années-lumière de la Terre en utilisant le télescope Kepler de la NASA. Ce qui donc rend un petit peu plus crédible l'idée de George Lucas, la planète de Luke Skywalker, la planète déserte Tatooine qui a deux soleils. Voilà, et puis c'est ça. On dit qu'il y a pas de plein de vie, ce que ça dit, extraterrestre sur Tatooine, mais pour l'instant Kepler-16 n'a pas vu ça sur la planète Kepler-16. Bon, peut-être un jour. Le pays du Bhoutan, B-H-U-T-A-N, Bhoutan, pas Bhoutan Pizza, là. On adore en passant, bonjour à vous et allez tous manger là ce midi, a un timbre qui peut être joué sur un lecteur, un tourne-disque, un timbre imprimé en 1973 en forme de disque, ben petit, mais c'est un disque quand même, mais petit. Donc si tu joues sur un tourne-disque, ça joue l'hymne national bhoutanais. Hein? Le Bhoutan était aussi le premier pays à avoir créé un timbre en 3D et le premier à avoir créé un timbre qui se colle tout seul. Dans le temps, c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu. Donc, les timbres bhoutanais sont une création d'un entrepreneur américain nommé Bert Todd. C'est très, très viril, ça. Bert Todd. Ouais, ça sonne bien. I'm Bert Todd. Ouais. Donc, Bert Todd qui est décédé il y a quelques années, mais sa fille Frances Todd Stewart a récemment travaillé avec le gouvernement du Bhoutan pour produire la dernière grande idée de son père, qui était le premier timbre CD-ROM. Ah, évidemment, parce qu'un timbre 10, 4, 5 pouces et quart, ça n'aurait pas marché. Il faut que ce soit... Que ce soit standard. Ce soit standard quand même, ça rentre. Sur une enveloppe. Non, OK, je vais sauter celui-là. Celui-là, OK. Les jumeaux siamois. Mm-hmm. Jumeaux siamois. Chang et Hank Bunker, d'accord? Ce sont les jumeaux siamois les plus, dans le fond, les plus vieux dans l'histoire, dans le sens les plus anciens qu'on connaisse, qui ont existé sur la planète, là. Les premiers, mais tu sais, confirmés. Donc, ils sont nés dans la Thaïlande, parce qu'on se demandait pourquoi ça s'appelait des jumeaux siamois, d'accord? Bon, mettons. Fait comme si... Oui, pour cette question. Ben oui, donc, c'est ça. Ils sont nés en Thaïlande en 1811, mais le pays à cette époque-là s'appelait le Royaume de Siam. Donc, ils ont déménagé aux États-Unis pour vivre, dans le fond, du cirque. Là. On s'entend qu'à cette époque-là, les freak shows, c'était ouais, c'est commun. Ça, c'était... Ouais. Et on les appelait les jumeaux siamois parce que bon, ils venaient de Siam. Par contre, quand ils étaient en Chine, vu qu'ils étaient en partie chinois, ces gars-là, on les appelait les jumeaux chinois. Chinese Twins, à la place de Siamese Twins, ça sonne pareil. Donc, ils ont vécu des vies très intéressantes, ces jumeaux siamois-là. Ils se sont tous les deux mariés. Cheng a eu 10 enfants, Hank en a eu 11. Leurs femmes étaient des sœurs là, entre elles, là, pas des sœurs... Bon, ouais. Non, des sœurs, avec le symbole de main ici qu'on voit pas à la radio. Donc, leurs enfants, à ces deux femmes-là, leurs enfants étaient cousins l'un de l'autre et génétiquement étaient aussi demi-frères et sœurs. Hein? Ouais. Hein? Leurs femmes n'étaient pas vraiment amies, donc s'entendaient pas très très bien. Donc, il y avait deux maisons. Et les gars devaient visiter d'une maison. Ah ben, je sais bien. Les deux jumeaux sont morts le même jour en 1874. J'espère. Chang est mort de pneumonie. Hank a refusé de se faire séparer par les docteurs, donc il est mort 3 heures plus tard. Oh boy, c'est spécial quand même, hein? Ben oui. Yeah, je pensais qu'il mourrait en même temps. Non, mais moi aussi, mais non. Apparemment que... 3 heures après. Mais ils ont des choses en commun, mais dans leur corps, mais il y a des choses qui sont pas en commun. Et ça doit être quand même assez bizarre, tu sais. S'ils ont eu des enfants, c'est parce qu'ils ont fait. Ben, c'est ça. Et c'est parce que c'est quoi, l'autre dort, je pense pas. Je pensais pas. La lecture, peut-être sur BlackBerry, les nouvelles? Non, je suis pas sûr. Regarde la TV. Vraiment bizarre. On regarde, en tout cas... Ouais. Oh, on se gâte. Ouais, c'est ça. 2 TV de chaque bord, une qui joue quelque chose, l'autre jour. Bon. Parlant de jumeaux aussi à moi, Andy Garcia. Est-ce que tu connais l'acteur Andy Garcia? Non, je pense pas. Dans The Godfather Part 3 et puis la trilogie des Ocean's Eleven. Ocean's Eleven, j'ai vu. C'est les cheveux ben gelés, là, puis belle face bien découpée, le menton, en tout cas. Bref, Andy Garcia. Le président du casino. Aucune idée. Okay. Donc, il est né avec un jumeau aussi à moi sur son épaule. Sur son épaule. Sur son épaule. Un peu comme dans South Park où, tu sais, les personnages qui ont des. Ouais. Sortes de bon. Donc, surtout connu pour ses rôles, comme j'ai dit tout à l'heure. Garcia, dans le fond. Lui, ils l'ont enlevé, là. Ils l'ont enlevé, c'est ça. Et exactement. Il est mort, j'imagine. Ben, c'est ça. Ben, pas Andy Garcia. Non, pas le jumeau. J'espère qu'il est mort avant qu'il l'enlève. Là. Donc, il est né avec un jumeau de la grosseur d'une balle. On dit pas une balle de quel sport, là. Sur son épaule, ce frère-là a été enlevé par chirurgie, mais une cicatrice reste encore sur l'épaule de Andy Garcia. Encore aujourd'hui. Étrange, j'en cherche Andy Garcia, tu vas le reconnaître, c'est sûr. Il a l'air très, très rétro, même aujourd'hui. Oh ouais. Avant, c'était, savais-tu ça, légal d'envoyer des enfants par la poste. Oui. Quand le service postal de colis domestique a été introduit aux États-Unis en 1913, les Américains ont finalement eu le droit d'envoyer des paquets de l'autre côté du pays à un prix abordable. Donc, au départ, il y a des gens qui abusaient de ce service-là, c'est abuser des services, ça arrive. Deux personnes ont envoyé leurs enfants couverts de timbres par la poste avant que le Postmaster General, le gars qui s'occupe de tout ça, ait réussi à mettre des règles pour bannir cette pratique-là. Le National Postal Museum, oui, un musée postal, c'est incroyable, a une photo de ça, d'un enfant dans la main d'un gars des postes, là, que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. L'article s'appelle « It used to be legal to send kids in the mail ». Donc, époque turbulente. Ouais, c'est quelque chose. Et un journaliste a écrit des nouvelles dans le journal par rapport à un tueur en série. Et on a révélé plus tard que le tueur en série, c'était le journaliste lui-même. Hein? Vlado Taneski s'est fait un nom, s'est mis sa map, si on veut, sur la carte, avec sa couverture d'un tueur en série dans sa ville de Kisevo, en Macédonia, mettons. Donc, 4 vieilles personnes de la ville sont mystérieusement disparues sous des circonstances similaires entre 2003 et 2008, grâce au journalisme d'enquête incroyable de Nova Macedonia. C'était juste lui? C'était lui, Vlado Taneski. Il disait dans le journal comment trois des femmes avaient été trouvées. Et quand, avant de trouver le quatrième corps, la police a réussi à pointer le vrai tueur. Et puis c'était le journaliste. Ouais. Il a passé sa vie... il s'est enlevé la vie en prison. Et voilà. Bizarre. Belle job. Il y en a qui sont prêts à tout hein, pour avoir le scoop. Le scoop. Créer la nouvelle. Mais tu es du monde, ça va faire de la nouvelle, ça? C'est fou. Il se passe rien. J'imagine qu'il devait sortir des détails que la police disait, ouais. Louche un peu, hein, que tu saches ça. T'as des sources bien placées. Hein? On ne sait même pas, puis lui, il le sait. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Une autre chronique, une autre fois, quand ça la donnera. Oui. Demain, ça va être ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est encore meilleur que c'est un fait. Oui. Non, pas meilleur. J'aime ça, c'est un fait, moi. Ouais? T'es, ouais? Ouais. Tu trouves ça pas super, mettons? Pas super. OK, merci. On va retrouver en musique, François. Avant d'accueillir notre amie Myriam Fugère. Et par 8h. Oui, sa chronique. Comment elle s'appelle? Sa chronique déjà? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Non, moi, j'allais dire peut-être. La chronique à Fugère. La chronique à Fugère. Ouais, je c'est sais simple. Pas. C'est un peu simpliste. Bon. Je sais pas. Si ça avait été une chronique sur les vieilles personnes, t'aurais pu dire, mettons, fugériatrique, là, tu sais. Mettons. Ou encore, mettons, une chronique sur comment gérer ton stress, fugère ton stress. Mettons quelque chose du genre. Mais, ouais. Culturellement parlant, là. Bon, c'est pas. On y demandera. Culturellement parlant, c'est un bon nom, ça? Oh. Non, pas en tout cas. Voici Dan Mangan et O Fortune au 89.1 FM. C'est fou. appartement. Il y a des marques sur le plancher, des traces qui ont figé longtemps. Je ne veux pas revivre ça, en arriver à détester tous les gens tout autour de moi. Je ne veux pas me répéter, j'ai autre chose à faire des nuits que de les passer éveillés, en croyant qu'ils m'ont menti, que c'est eux qui m'ont saboté. Des sabordages et des naufrages, mais sur la mer je dois filer, ne pas me laisser dériver. Les esprits sont un peu trop faibles et les guerres un peu trop faciles à déclencher. Antoine Corriveau, la pièce Distance usuelle dans Assemblage requis. Ça, c'était moi en train de faire une liaison entre dans et assemblages. C'est la fin de la première. On se quitte pour quelques minutes. On va entendre l'Infocampus, évidemment, dans quelques secondes. Après ça, ben, on aura notre amie Myriam Fugère. Il faut trouver au moins deux autres jeux de mots. Si tu faisais une chronique sur le vieux rock francophone, tu pourrais faire Fugère Boulet. Fugère, Fugère Boulet. Ouais. Est-ce que t'en as un? Live comme ça, non. On dirait que ça vient pas. T'es gêné, t'es fugéné. Fugéné. Fugéné. Fait que ça, on vient. Vous êtes assez fou pour l'écouter. All right. 89.1. MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky en direct des studios de CFOA Trois-Rivières en ce mercredi 21 septembre 2011. 2011, comme on dit. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Et à notre droite, toi, ta gauche. Gauche, c'est plus le devant du rack à CD. Donc, mettons, du côté de la chasse, mettons, du bord des corridors de l'OGE, mettons. Ouais, c'est ça. C'est en plein là. OK. On accueille chaleureusement. OK, on accueille chaleureusement une dernière chance. Ah, de foule comme ça? Ouais, un non, peu de foule. Ben, c'est juste moi. Je vais la faire toute seule. OK. Yeah! Vous l'avez entendu? C'est grandiose, hein? Bon, ben, je pensais avoir une dernière chance de faire un jeu de mots, mais François, il veut pas. Hein. Ah, vas-y. Non, mais c'est toi. Vas-y. Je veux que t'en aies un. Comment? Ouais, hein? Non, mais. Accueillir chaleureusement. Non, c'est pas ça. C'était beau. Ben, merci pour l'essai. Ça fait plaisir. Bonjour Myriam Fugère. Hey, allô. J'adore ton intro. C'est formidable. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime ça, moi, le bon petit beat, quand même. Pas si pire, hein? Ah ouais, ça fait bien. J'aime mieux une fois qu'elle a commencé, puis qu'il y a le petit... Oui, oui. Va commencer bientôt. Donc, Myriam Fugère, petite chronique... Yeah, c'est ça. Wow. Ça me fait froid dans le dos. Mathieu se laisse transporter par la musique. Par les thèmes que j'ai moi-même décidé de choisir. Donc, Myriam, chronique culturelle, on l'a dit quatre fois, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, tu nous parles d'un jeu de rôle... Avec ouais, des ben dévins, en fait, et c'est une chronique un peu aléatoire sur des sujets... pourquoi pas aléatoirement fugère, un coup parti. Pourquoi un pas? Truc de même. Oh. Bon, pourquoi pas? On va y aller comme ça. C'est un aléatoire rivière. Aléatoire rivière. Oui, hein? Peut-être. Non? Non, on en discutera. On en discutera. mais oui, donc en fait, c'est des sujets qui me passent par la tête durant la semaine. Donc, je viens te touche de près ou de loin? Oui, de près ou à de loin. À travers les branches et fugères et la brousse. Il arrêtera pas. Non, jamais. Il arrêtera pas. Non, mais ben, je suis parti. En tout cas, bon, mais moi, j'aimerais ça commencer par un espèce de petit quiz. Là. Bon, main sur le buzzer. Un micro-quiz. Hein, mais, un micro-quiz. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste parce que je veux votre opinion sur chaque question. OK. Okay. Micro-quiz ou un quoi? Un quoi, ouais. OK. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà participé, que ce soit en ligne ou avec des amis dans la réalité, à un jeu de rôle? Oui. Ah, François, vas-y. Oui, quel type de jeu? En fait, moi, c'est plus de niveau shooter. Là, World of War, Call of Duty. Call of Duty. World at War. Ouais, c'est ça, exactement. Ou... J'invente n'importe quoi. Oui. Ben, sur Internet, là, en fait. Là, OK, des jeux en ligne. Des jeux massivement. Des heures de temps et je peux passer peut-être une nuit par année. Moi, par année. Okay. Non, mais c'est parce qu'il faut que je dorme un moment donné. Hein? Bout à bout. Non, une nuit. Une nuit au moins une fois par année. OK, fait qu'une fois par année, là, on te voit le matin avec des poches jusqu'en dessous des bras, en dessous des yeux, parce que on les cherche. Ouais. OK, c'est bon. Puis ça toi, Mathieu? Ça. J'ai hâte de voir ça. De mon côté, on m'a déjà... moi, je ne joue pas à des jeux massivement multijoueurs et en ligne, comme ils appellent. Non, j'aime pas ça. Moi, c'est plus jeu de plateforme, tu sais, jeu de Mario. Mais dans la vraie vie, on m'a invité à plusieurs parties de jeux de rôle et j'ai accepté une fois. J'ai vu que c'était pas mon genre et après ça, j'ai tout le temps refusé les autres invitations. Mais j'ai l'air d'un gars qui aimerait ça, j'avoue. Visuellement, j'ai peut-être l'air d'un gars qui aimerait ça. Mais non, c'est pas pour moi du tout. Mais tu devrais peut-être enlever ta cape et ton épée en plastique, là. Ça aiderait peut-être. Hein. C'est pas une épée en plastique, voyons là. Non, c'est une épée en plastique, t'es juste content de me voir, genre. Non. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi l'âge moyen d'un joueur de jeu de rôle? À peu près vers quel âge? Jeu de rôle, là, c'est en personne déguisée avec les épées de plastique, c'est ça? Ouais, ben jeu de rôle, mais ça peut être aussi les jeux en ligne. Même en ligne? Ouais. L'âge moyen? 19. J'irais un petit peu plus jeune, 17. On parle de 25 ans. Ah, ouais. J'étais plus proche. Ouais, 25. Bravo, François. Ce qui est spécial quand même, parce que plus tu avances en âge, généralement, tu devrais comme t'enlever d'un monde ludique. Passer à autre chose, plus professionnel. Tu sais, Mais non. Mais tu as les ressources financières. Ouais. Tout ce que tu voulais t'acheter comme jeu quand t'es jeune, là, tu peux t'es acheter. Puis tu as plus ou moins de responsabilités. C'est sûr que tu en as plus que quand tu avais 18 ans, mais tu sais... Ben, c'est pas tout le monde qui a un enfant, mettons, à 25 ans. C'est encore où il peut jouer avec cet enfant-là puis délaisser son jeu de ce côté-là aussi. Là, parce que quand t'as un enfant à cet âge-là, ben, tu joues dans le monde de ton enfant puis là, ben, tu peux un peu t'écarter du monde dans lequel tu joues toi-même. Les casser avec des petites pinouches dessus, c'est un petit peu plus facile. Ouais, ben c'est ça. C'est moins compliqué. Là, tu peux les tricher sûrement. J'imagine qu'il y a des codes triches sur Internet. Mais ça me... Tu vas chercher le buffer, tu refais les formes. Ils vont tout rentrer. Mais ça me fait penser un peu au film Encore 17 ans. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. C'est un... Oui, avec le Zac beau Efron, Zac Efron. Ouais. Mais oui. Mais il y a ce... Il y a son ami... Jaloux. Jalousie ici dans le studio. Mais non, il y a son ami qui est un peu geek, qui a des oreilles de... pointu, ouais, puis il dort dans l'espèce de vaisseau. Tantôt tu parlais de Luke Skywalker. George Lucas, Luke Skywalker là, sur Tatooine. Mais tu sais le machin là, l'espèce d'aéroglisseur. Ouais, ouais, okay. Oh, ben son lit c'est ça. En tout cas. Cool. Bref. Ensuite de ça, est-ce que selon vous le joueur type est plutôt de sexe masculin ou féminin? Ouais, masculin c'est définitivement. Sûr. Ouais, masculin. Clairement, il ouais, y a moins de princesse Leia là. Il y en a beaucoup des filles plus qu'on le pense, mais elles sont proportionnellement beaucoup moins nombreuses. Sans doute. Et puis, selon vous, est-ce qu'il demeure plus en ville ou en campagne? En ville. En ville. En ville. Dû à quoi, vous croyez? Ben, se regrouper, il y a plus d'activités là, il y a plus de magasins, il y a plus de la connexion Internet est plus rapide. Non. Oh, en campagne, bon point, téléphone. En campagne, il y a peut-être autre chose pour s'occuper aussi. Là. On a plus... Ouais, le boulot est encore à mode. Ouais, non, il faut que tu ailles faire la pelouse. Faut que tu t'occupes de ton terrain, mettons. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc, en fait, tout d'abord, avant de vous parler du principal de ma chronique, donc l'espèce d'article que j'ai vu, selon quoi la qualité de vie semblerait se dégrader grâce à la dépendance, grâce au... à cause plutôt de la dépendance aux jeux vidéo. C'est pas nécessairement la vie de la personne qui joue elle-même, mais la vie du monde autour au moins. Ben non, même non? La vie, je te dirais la vie de la personne, okay. On verra ça un peu plus tard. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, les différents types ou techniques utilisées là-dedans. Bon, c'est sûr que je commencerai pas à vous détailler les techniques de mort de chaque personnage. Là, tu me parles de chaque pouvoir de chaque personnage dans chaque jeu qui a été créé jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Donc prenez des notes. Non, en fait, le jeu de rôle, c'est une technique d'interprétation ou une activité dans laquelle un personnage va incarner un rôle de personnage, une personne en fait incarne un personnage fictif dans un environnement qui est fictif aussi. Par exemple, bon, sorcier, un orc, un elfe, des trucs comme ça dans une espèce de forêt enchantée ou dans tout autre truc comme ça. C'est fictif, mais ça peut être en même temps très réaliste. Si on voit, mettons, à Bicoline ou là, en fait, là, c'est comme grandeur nature. Ouais. On peut rester, on peut entrer, on peut... C'est sûr que les grandeurs nature, c'est déjà quelque chose de plus, je trouve, impressionnant. Oh, oui, bien, justement, ça fait partie des différents types de jeux de rôle dont je veux vous parler. D'ailleurs, j'ai déjà fait une recherche pour une chronique où... j'ai découvert qu'il y avait des camps de vacances aussi pour les jeunes qui étaient faits sous thème. Il y avait un thème qui était Amos d'Aragorn, ici en Mauricie. Il y avait je me souviens plus exactement c'est quel camp, mais les gens se déguisaient. Je me souviens, moi, d'avoir participé à des camps où on devait se déguiser. Bon, okay, le thème, c'est les pirates. Fait que là, tout le monde se déguise en pirate. Mais à chaque camp, il y a un thème, non? Oui, sauf que des fois, il y a des camps qui sont plus imprégnés de ça, probablement. C'est ça. Le déguisement est important. Tu te lèves le matin, tu te déguises. Je m'appelle, je sais pas quoi. Là. Ben oui. On ne trouvera pas de nom ce matin, mais... Merci. Donc, voilà, il y a plusieurs formes de jeux de rôle, plusieurs formes de buts également, ce genre de pratique. Donc, quelques exemples. Il y a la technique thérapeutique. En fait, c'est un type de jeu de rôle qui est notamment utilisé pour permettre au protagoniste, à la personne qui participe au jeu, d'apprendre à gérer ses réactions émotionnelles, donc ses phobies. C'est trop compulsif. Oui, exactement. Donc, mettons, t'as une phobie de tel type de tu sais, t'as peur des fantômes. Ben là, on va peut-être te faire apparaître des fantômes dans ton jeu pour que t'apprennes à les chasser. À les chasser, à aller les confronter. C'est ça. Donc, tu confrontes ce dont Mais ça fonctionne bien? Ben, je pense que oui. Ben, Chantal Lacroix, ça fonctionne très bien, son affaire. Ça doit être un peu du genre aussi, un peu avec l'hypnose puis tout ça, parce qu'il faut que tu t'imprègnes de ça, puis j'imagine qu'ils te font vraiment rentrer dans ton personnage de façon, d'une belle façon pour que tout ça s'englobe bien. Donc, ça peut te permettre aussi de verbaliser des souffrances qui sont refoulées. Alors, ce sont des techniques qui sont utilisées aussi en apprentissage social ou professionnel où on confronte les participants à des scènes, des situations qui vont être similaires à celle de leur futur rôle. Donc, on voit ça notamment dans les formations des médecins, des psychologues, des militaires, des prêtres, vendeurs, représentants et tout ça. Donc, c'est une forme de jeu de rôle qui est peut-être un peu moins geek, oui, si vous voulez. Ensuite de ça, des méthodes d'animation pédagogique, donc utilisées en enseignement. Le but, c'est de permettre en fait aux élèves de s'investir dans leur éducation puis d'aller vraiment développer alentour d'un thème et tout ça. Maintenant, on embarque dans les activités récréatives, ce dont on parle un peu depuis le début. Donc, il y a les jeux enfantins, bien sûr. Donc, quand tu joues à la poupée, c'est comme un espèce de jeu de rôle. Tu es la c'est maman, tu as ton bébé. Quelle est Barbie? Et puis, ben, comment? Quelle est Barbie? Tes préférés? Oui, voilà, mes préférés. Marie-Lou Wolfe et Guillaume Lemessuyère dans le film. D'ailleurs, je m'en vais les rejoindre bientôt. Et puis bon, on a Star Wars aussi, par exemple. Moi, je vous donne cet exemple-là parce que quand j'étais jeune, c'était nous autres, on faisait ça avec mes frères. Là. Donc bon, il y en avait un. Oui, ben oui. Moi, j'étais... T'étais qui, là? Non, Amidala. Amidala. Oui, joli, joli. Non, mais tu sais, on était petits puis on se prenait un personnage. Donc, en fait, d'un tu sais, c'est comme d'une histoire déjà que... déjà établi, tu choisis un personnage puis finalement tu brodes alentour de ça. C'est ce qui qualifie un peu le jeu de rôle, mais là c'est un peu plus enfantin puis il n'y a pas vraiment de règles là-dedans. Mais il y a des jeux en fait qui ont des règles formelles, donc des jeux qui utilisent un support dans lequel ben faut que tu réalises physiquement les actions. Donc ça peut être basé sur un jeu vidéo, des jeux de rôle puis tout ça. Bon. Donc, la différence qui est essentielle entre les jeux de rôle et les médiums traditionnels dont je vous parlais, donc les romans et les films, ben c'est que les auteurs, pour les auteurs, en fait, on peut parler d'une espèce de prolongement d'une tradition, dans le sens où c'est comme si tu prolongeais donc, la tradition du conte où des amis doivent collaborer, en fait, pour créer une histoire complète. Fait que, tu sais, dans des temps plus anciens, ben, t'avais pas grand-chose à faire alentour d'un feu. Donc, toi, Mathieu, tu pars une histoire, puis là, toi, François, tu peux la prolonger, puis j'y trouve une fin, mettons. Mm. Où on peut passer une soirée à faire ça, ben, c'est un peu l'ancêtre du jeu de rôle, si on veut. Il y a les jeux de table qui ont été inventés en 1970. Les participants doivent décrire oralement, en fait, les agissements de leur personnage. Donc là, il n'est pas question de te donner un coup d'épée sur la tête. Là. C'est plutôt vraiment, tu dis, bon, ben moi, je te donne un coup d'épée. Ah ben, tu viens de perdre un bras. Donc là, on écrit ça sur une feuille, mettons. Donc, tu utilises un papier, un crayon. Là, tu as un maître du jeu qui va décider des choses, qui va décider certaines affaires. Oui, ben même, justement, tu me fais penser, ben les jeux du type meurtre et mystère. Oui, ben ça oui. Ça fait partie d'un jeu de rôle. C'est comme Clou, mais en plus gros. Ben oui, c'est un peu plus réaliste. Un scénario basé, puis tu peux poser des questions qui vont faire avancer un peu l'histoire. Ouais, ça, c'est le fun des meurtres et mystères, par contre. Ouais, ça... Pour moi. Ouais, ben moi aussi. En fait, si je t'invite à un meurtre et mystère, là, tu vas pas essayer de te défiler. Je vais un peu foncer dans le panneau avec celle-là. Ouais, ouais, mettons. Hein. Mais justement, fin de semaine. Ah, toute l'équipe de C'est fou, ça pourrait être bien. Ouais, ça serait pas qui bien. Qui va tuer qui? Quelle question. C'est toi l'assassin, je suis sûr. Oui, oui, tout dans ta face. Donc, ensuite de ça, ben, les jeux grandeur nature, dont tu sembles apprécier le concept particulièrement, j'apprécie Mathieu. J'apprécie le concept, oui. Donc, dans ce type de jeu-là, ben, les joueurs réalisent vraiment physiquement les actions de leur personnage. Donc, c'est un peu comme sur le jeu de table. En fait, l'univers, les règles sont déterminées un peu d'avance, donc avec un consensus entre les joueurs. Puis, c'est les premiers jeux grandeur nature, ça date de 70-80. Là, dans les ça fait longtemps. 70-80. Ça fait un moment quand même. Puis, il y a quelques... Tu sais, il y a plusieurs grandes variétés de jeux. Entre autres, l'univers... on peut se retrouver dans un univers qui est réaliste, un univers fictif, un univers plutôt moderne, historique, futuriste ou complètement fantastique. Donc, on peut se retrouver dans l'espace avec des antennes sans tête, finalement. Donc, bien sûr, on a le jeu vidéo, les livres de jeux également. Donc, le livre dont vous êtes le héros. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Ça, c'était populaire aussi. Ça, tu brasses un dé, là. Tu Non, tu décides. Ça dépend. Tu décides ou... C'est à la fin de la page, tu vas voir, bon, si tu veux faire ça, va à telle page, etc., etc. Mais il y en a sûrement avec des dés aussi, j'imagine. Oui, ben moi, en tout cas, me semble que j'ai entendu. Celui que tu as vu, c'était ça. Oui, j'avais déjà entendu parler de ce type de livre-là. Donc moi, personnellement, en fait, je croyais pas qu'il y avait tant de monde que ça qui jouait à des jeux de rôle comme ça. Et c'est en parlant avec un ami cette semaine, donc d'où le fait aléatoire qui a un rapport avec ma vie, oui. Ben, en parlant avec un ami cette semaine, je me suis rendu compte que lui, avant, jouait beaucoup à des jeux de rôle. Et puis, drôle de même, je me promène sur Internet et je finis par trouver un article qui nous dit que la dépendance aux jeux de rôle en ligne, en fait, a été associée par des chercheurs français à une qualité de vie qui est dégradée. En fait, on a fait une enquête auprès de 448 participants qui montrent que les joueurs ont développé une dépendance là-dedans, souffrent d'irritabilité, de tristesse, de somnolence, de soleil. Ouais, de somnolence, tu sais, avec ta nuit, là. Non, c'est sûr que, écoute, c'est pas l'idéal, puis en fait, c'est certain qu'il y a des répercussions aussi sur ta vie, parce que le temps que tu mets là-dessus, tu le mets pas ailleurs, là. Ben, c'est justement... Tu n'iras pas manger, tu vas t'empêcher non, de mais toilettes. C'est ça, sincèrement, moi, c'est comme ça. Écoute, je vais aux toilettes en deux parties pendant que ça se load, tu sais. Puis si je mange, ben, tu sais, je vais manger extrêmement rapidement. Des Cheetos sur le divan en même temps que tu joues. Ouais, mais pourquoi? C'est parce que là, on dirait que mes besoins primaires deviennent plutôt secondaires. Tes priorités sont pas bonnes. Oh, non, c'est ça, exactement. Et puis, j'éteins vraiment mon cerveau, en fait, et je veux juste tuer les autres. Je trouve que le faire une fois de temps en temps, je trouve ça sain, moi. Oh, ben, je pense que oui, parce qu'il faut. Des fois, des fois, par exemple, je quitte, j'arrête de jouer et puis je prends mes comme 20. T'as l'impression qu'il y a des tueurs après toi. Non, j'ai pas. Mais souvent, mettons, après une mauvaise partie, ben, je vais être irritable. Je vais être quelqu'un de pas par la main. Ben, pas tout de suite, peut-être. Puis c'est con, là. C'est con. Pis... Non, mais je le sais. Quelqu'un arrive chez vous, parle-moi pas. Non. J'ai perdu à Mad World. non, mais tu sais, je l'exprimerai pas, mais c'est... Je sais pas. Ça... Tu le sens. Tu sens la différence. Oui, mais je pense que tout le monde est comme ça aussi, ben oui. À différents niveaux, là. Les derniers tableaux de Mario Galaxy 2, là, Colin, hein. Non, mais tu sais. Mais sérieux. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est vrai, là. C'était une blague, mais c'est vrai pareil. Mais tout à l'heure, tu disais que t'arrêtais complètement ta vie, tu te déconnectais pour faire ça. Ben, j'ai vécu un type d'expérience un peu similaire en jouant. Moi, j'aimais bien jouer aux Sims. Oui, Sims, c'est un très bon exemple. Mais oui. Ça n'a pas de fin. Parce que tu. Ben non, c'est ça, ça n'a aucune fin. Ça, il n'y a pas de monstre de la fin. Tu sais, tu vis. Oui, c'est le bébé qui arrive à manger. Oh non! C'est le mariage. Ouais. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu fais la vie de ces personnages-là, tu leur crées un monde à eux. Donc là, tu finis par être eux, finalement. Puis là, à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Là. Oh, ouais. Ça peut durer des heures. Là. Tu peux jouer. Tu sais, j'avoue. Non, mais ça n'a pas de fin. J'ai déjà joué un bon 3-4 heures en ligne aussi. Ça passe là, vite demain. Ben oui, parce que les autres, tu peux avancer le temps, là. Ah, puis ça, c'est quand t'embarques dans l'engrenage des Sims, puis que tu t'achètes toutes les extensions, puis Sims 1, 2, 3, 14, puis Las Vegas, Living Wild, puis là, t'es toutes, là, puis là, tu capotes, puis là, tu joues tout le temps à ça. Ça peut facilement devenir le contrôle de ta vie. Ben oui, parce que tu vis à travers des personnages fictifs. Ouais, ouais. Donc, ensuite de ça, bon, on nous dit que ce qui est surtout risqué, c'est que certains jeux sont particulièrement dangereux parce qu'ils sont en réseau. Puis que quand t'es pas en ligne, ben ça continue. C'est ça, puis là, tu perds, t'avances pas ton personnage ben, pendant c'est ce temps-là. Ça. Mais les autres évoluent, mais toi, tu n'évolues pas. Donc, tu dis, ben, il faut que je reste dans le jeu pour pouvoir... Passer au niveau supérieur. Ben oui, exactement. Donc là, t'as un sentiment de manque. Oui. Alors que ce qui arrive, c'est que dans ta vie, il y a des choses qui se passent aussi. C'est ça. Dans ta vie réelle, des choses se passent, puis t'es pas témoin de ça parce que t'es dans ton jeu où tu fais évoluer ton personnage. Là, tu veux faire concorder ta vie normale aussi, fait que tu vas sur eBay acheter de la fausse argent avec de la vraie argent pour intégrer dans ton jeu, parce que faut que tu récoltes de l'argent, mettons, dans World of Warcraft, fait que là, tu vas aller acheter quelques centaines de piastres sur eBay pour le mettre dans ton jeu. Là, ça fait que là, tu n'as plus d'argent. Ça, tu peux faire ça, Tu peux faire ça, hein, tu sais, tes affaires de même. Mais tu sais, en fait, moi, je me demande, là, bon, quand tu... Parce que là, il y en a, là, je vois dans mes notes, là, il y a 27,5% des participants qui pouvaient être considérés comme dépendants. Les accros pourraient jouer environ 37 heures par semaine. Ben oui. C'est énorme, 37 heures. C'est énorme. C'est une semaine c'est une de job travail. À temps plein. Ben oui, exactement. Donc, jouer à ça, c'est une job à temps plein. Donc, elle est où ta source de revenus, justement, pour pouvoir acheter ces points-là, pour c'est acheter des espèces de... Mais pour acheter les jeux, payer les consoles, puis tout ça. Souvent, en fait, ben, je pense, c'est que les gens travaillent quand même. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il y a un problème dans le sens où, en fait, soupe extrêmement mal, soupe en dedans de 2 minutes, plus ou moins toilettes, dort très tard. Ils n'ont pas de vie sociale. Ils n'ont pas de vie sociale. Aucune vie parce qu'ils sont pris là-dedans, finalement. Puis il y en a d'autres où, eux, c'est plus modéré. Ils jouent 28 heures seulement. Ah, c'est ça. 28 heures, c'est quand même pas mal. Ben oui, c'est beau. Tu sais combien t'as dans une soirée après la job avant d'être couché? Il y en a pas tant que ça. Fait que ils rentrent où? La fin de semaine au complet passe là-dedans? Puis non, tu t'en sors pas. Tu sais, ton rendement au travail doit être diminué aussi à cause de ça. Tu penses juste à ça? Ben oui. Revenir à la maison. Il faut que je revienne à la maison là, parce qu'il y a, y a telle affaire. Non, c'est ça, là. Non, non, faut pas virer fou. Faut pas que ça vienne te nuire au niveau social. Ben non. Non, non, c'est ça. Ah, ce soir, viens-tu prendre une bière? Ouh, non, non, non, non, je sais pas. Mais vois-tu. Warlock est passé avant. Mais vois-tu, moi, des fois, en fait, là, pour reprendre l'exemple là, de mon jeu, là, je joue, mais j'appelle mon ami pour qu'il se connecte. Tu sais, puis on se parle en même temps. Fait que là, tu gâches la vie de quelqu'un d'autre tant qu'elle gâche la tienne. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je joue environ, là, je viens de calculer dans ma tête, là, maximum 15 heures par semaine. C'est bon. Pas si pire. C'est comme quelqu'un regarderait la télé. Maximum. Ouais, ben c'est ça. Maximum. Mais pendant, vois-tu, pendant l'été, j'ai pas joué pratiquement jamais. Puis pourtant, c'est là que t'avais le plus de temps pour le faire, mais t'as préféré ouais. mettre tes priorités ailleurs. Ouais, ouais, ouais. On voit que t'es un être équilibré, finalement. T'es ouais, capable de bien ça. Équilibrer. T'es donc bien fine, toi. Mais ouais, non, mais. Hey, tu reviens à tous les jours. Voilà. Non, mais je tenais à te le dire. Tu sembles équilibré. Donc, ensuite de ça. Moi, tu vois, m'a rien dit à moi. Mais bon. Ouais, mais toi, t'as le look. Enlève ta cape, Mathieu. Pas Donc, ensuite de ça, eh bien, ils ont donc, c'est ça, peu de temps pour les autres activités. Puis leur état de santé physique et psychologique va se dégrader par rapport aux sujets qui sont non dépendants. Puis là, il y a une équipe de recherche présentement qui travaille à essayer de maintenir, d'établir, en fait, des marqueurs de vulnérabilité génétique aux jeux pathologiques et aux jeux de rôle comme ça. Là. Ouais, est-ce qu'il y a sûrement. Quelque chose dans ta génétique qui fait en sorte que t'es plus sensible à ça, t'es plus vulnérable. Ben, ouais, comme les alcooliques, comme tout plein de choses. Tu sais, à première vue, on peut dire quelques points, peut-être pas se faire juger, parce que quand t'es tout seul devant ton truc, il y a personne qui te juge. Mm-hmm. Tu sais, le jeu a comme pas de sentiment. Le fait aussi de bien réussir, peut-être dans des. Ça t'encourage, t'as accompli ah, ouais. quelque chose. T'as... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. T'as une certaine fierté, je pense, ouais. que ça procure. Que ça procure. C'est sûr que tu peux te faire des amis par rapport à ça parce qu'il y a des jeux de rôle qui se font. Tu sais, tout à l'heure, bon, je parlais de jeux de table, mais on peut aussi transposer ça en ligne par rapport à des forums, des chats. Tu peux envoyer. Tu peux se rencontrer une fois par année, des grosses rencontres. Un gros jeu grandeur nature aussi. Mm-hmm. Ça doit être impressionnant à regarder par exemple ouais. parce que ça. C'est préparé d'avance. Ça a été fait c'est avec les costumes. Soin. Mais oui, oui, oui, oui. Parce qu'ils doivent pas prendre un costume bric-à-brac. Ils doivent mettre du temps pour faire leur costume. Et du tout temps, ça. De l'argent aussi. Un peu comme ceux qui vont au Comic-Con. Oui, exactement. Les grosses conventions de. Les nerd proms, ce qu'on appelle en anglais. Ouais. Le bal des nerds. C'est les jeux vidéo? Non, c'est les trucs de fantastique, les super-héros. Les trucs. Les gens se déguisent pour aller rencontrer les vedettes de films hollywoodiens. Je sais pas, Iron Man. L'affaire là. Et ben voilà, on a démystifié les jeux de rôle aujourd'hui. C'est fascinant ce moment. Wow, formidable. Mm-hmm. Formidable. Donc je vous reviens avec un autre apprentissage la semaine prochaine. Soyez prêts. Yes! Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Hey, mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ben, ça nous fait plaisir. Oui. Est-ce que c'est ton nom qui est tatoué sur ton bras? Oui, une partie, oui. Ah, pas terminé? Non, ben non, là, ça fait mal. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Sûr, ça fait mal aussi. Oui, à cet endroit-là, ça fait mal. En effet. Beau choix. Merci Bouge encore. Pas. Non, j'ai dit beau choix, c'est joli. Ah, beau choix. Non, que ça merci. Vous merci, merci. À la semaine prochaine. C'est Myriam Fugère avec sa chronique Fugère ton stress. Non. Fugère. Je suis bien nerveuse quand j'arrive ici. Germaine. Oh. Fugère-mène. Non, aléatoire. Aléatoire, Rivière. Aléatoire. Mets ta ceinture, aléatoire. Pour aller à toi, Rivière. Non, OK. En tout cas, mets ta ceinture. Ça n'a pas rapport, hein? Non, pas m'en toute, mais c'est juste, c'était comme un message préventif là, pour... Fugère. Hey, je pense à ça, on vient la semaine prochaine. C'est vrai, mais non, moi, je pourrais continuer longtemps là-dessus. Hein. c'est mercredi prochain à 8h pour notre chronique comme ça. Merci. Myriam. Bye. Tout à l'heure à l'émission, on a notre ami Yann Martel qui s'en vient pour nous parler de quoi, François? Régime enregistré d'épargne études, placement universitaire, c'est tous les autres produits financiers offerts aux parents et aux étudiants. Donc, la chronique va être aussi longue que le titre, hein, sûrement. Ben non. C'est un long titre. Il y a plein de stocks là-dedans. Ben, je sais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement d'informations. Et lui réussit à, un peu comme un warlock, lancer une formule, un sorcier. Ah, OK. Lancer une formule, abracadabra, démystifions les finances. Exactement. Bon. Voici Friska Vilhor et Larionov. I've been taking assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 9h. Il reste encore une demi-heure ensemble et cette demi-heure-là va être très bien remplie, remplie de cash. De cash? Voici la chronique finance de Yann Martel. Monsieur Martel, bonjour. Bon matin, bon matin. Quelle belle introduction, Mathieu. Tu me sidères à chaque fois. Ah, Colin. Les introductions, tu réussis à nous trouver. Ça me fait plaisir. Ça va être comme ça toute la session. Ouais. Bonjour à toi. Bon matin, bon matin. Donc, Yann Martel, ce matin, en fait, vous venez de parler du régime enregistré d'épargne études. En fait, des placements... qui sont possibles pour les étudiants, mais surtout pour les familles des étudiants qui veulent les aider à investir dans leurs études. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Les familles veulent trouver des moyens pour venir en aide financièrement durant les études de leur enfant, que ce soit la famille immédiate, les parents, ou si on va un petit peu plus éloigné aussi, des fois les oncles, les tantes... Les grands-parents aussi. Les grands-parents. Souvent, ça va être les grands-parents. Quand l'enfant est d'âge commence à être d'âge scolaire, puis là, les grands-parents disent ça serait intéressant de pouvoir investir dans leur avenir, tout ça. Donc, le REI devient une option intéressante pour eux. OK. Et puis, en fait, c'est ça, tu parles d'options parce qu'il y en a d'autres aussi. Oui, il y a d'autres placements qui sont possibles aussi. Mais c'est certain que le REI offre certains avantages parce qu'il est composé, dans le fond, de trois parties. Il y a, dans le fond, le souscripteur. C'est la personne qui ouvre, si on veut, le régime enregistré d'épargne d'études. C'est la personne qui donne de l'argent pour le bénéficiaire, qui est l'étudiant qui va en profiter plus tard. Mais il y a aussi une troisième instance dans le dossier qui est le promoteur. Ça, c'est la personne avec qui on fait affaire pour avoir le REI, justement, que ce soit une institution financière, des placements privés, des choses comme ça. Donc, ces personnes-là vont aussi cotiser au régime enregistré d'épargne d'études. Donc, en même temps que le souscripteur verse de l'argent, le promoteur en ajoute aussi de son côté. Donc, le fonds gonfle plus rapidement. Oui, c'est ça, exactement, pour augmenter en fait l'argent disponible. Exactement. Mais là, c'est ça, il ne faut pas se mélanger. Ce n'est pas un compte qu'on ouvre à une banque et qu'on met, exemple, 10$ à chaque semaine. Non. C'est quelque chose qui est régi par le gouvernement du Canada. C'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement du Canada. Puis, il y a diverses possibilités aussi qui sont là où le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, par certaines initiatives financières, ajoutent de l'argent aussi à ce montant-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Souvent, les parents vont prendre ça un peu plus tôt. Des fois, il y a des conseillers qui disent c'est pas nécessaire de prendre ça si tôt non plus à la naissance de l'enfant, parce que avec justement toutes les initiatives fiscales que les deux paliers de gouvernement ont mis en place, donc quand l'enfant est d'âge scolaire, il y a de l'argent qui est investi à ce moment-là. Donc, si on prend ça trop tôt, quand l'enfant n'est pas d'âge scolaire, ben là, le fonds augmente beaucoup moins rapidement à ce moment-là. Ah, OK. OK, crème, c'est bon à savoir. C'est très intéressant à savoir. Puis ça, moi, je dirais c'est un peu comme tout placement. Il faut magasiner parce que je me suis amusé un peu à regarder sur Internet qui en offrait. Puis la liste est assez volumineuse. Pratiquement toutes les institutions financières en offre. Tous les services ce que j'appelle les... les services financiers comme Group Investors. Les conseillers financiers. Les conseillers financiers, voilà. Donc, eux aussi en offrent, puis aussi, on peut aller jusqu'aux compagnies d'assurance, des fois, qui en offrent aussi Manuvie, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment les magasiner pour voir où on a quelque chose qui répond à nos besoins. OK. Et puis aussi, en fait, là, l'argent, c'est quand on va être disponible pour la personne. Parce que, en fait, là, je sais qu'il y a plusieurs programmes. Ça peut être pour professionnels, collégial, universitaire. Exactement. C'est les trois types de programmes habituellement que les promoteurs offrent. Et puis, il y a différents régimes aussi qui sont possibles, que ce soit des régimes collectifs, familiaux. Donc, des fois, si on a deux enfants puis on veut que le programme soit créé que le REI soit créé pour les deux enfants. Pour les deux. Exactement. C'est des choses qui sont possibles. Donc, il y a vraiment plusieurs formules qui sont disponibles selon les projets que les futurs étudiants ont. OK. Et puis ça, en fait, faut faire attention quand même. Et voilà. Comme toute bonne chose que les gouvernements mettent en place, il y a certaines limites. Parce que c'est certain que c'est intéressant. L'étudiant arrive au niveau postsecondaire, dit « Bon, maintenant, j'ai besoin de mairie. » Donc, il y a des paiements qui lui sont faits, tout ça. Mais c'est certain que ça vient interférer avec certaines autres instances du gouvernement, comme les prêts-bourses, l'aide financière aux études, et bien sûr aussi les impôts. C'est certain que quand on reçoit de l'argent comme ça, c'est un montant qui nous est versé, ben il y a un T4A qui est produit et donc faut déclarer ce montant-là sur nos revenus. Donc ça, c'est la première chose. L'étudiant, quand il reçoit l'argent directement, doit déclarer ce montant-là. Donc ça apparaît au niveau des impôts. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut faire attention. Si l'étudiant reçoit de l'aide financière aux études, des prêts et bourses, ce que les règles des prêts et bourses disent, c'est que les montants de versés par les régimes enregistrés d'épargne études n'ont pas à être déclarés quand vous remplissez votre demande d'aide financière. Donc, il n'y a aucune ligne où vous avez à indiquer ce montant-là. Ou ce qu'ils peuvent déjà le calculer dans leur... Ben exactement. Donc, l'étudiant dit « good ouais, », j'ai mes prêts et bourses, j'ai pas un salaire trop faramineux, les revenus de mes parents, exemple, sont pas pris en considération, donc j'ai un bon montant d'aide financière et en plus, je vais recevoir des paiements de mon régime enregistré d'épargne-études. Donc, l'étudiant fait son année scolaire, a suffisamment d'argent, tout ça. Par contre, vous vous rappelez ce que je viens de dire il y a quelques instants, les versements qui sont faits à partir du régime enregistré d'épargne-études, on doit les déclarer dans notre déclaration de revenus pour les impôts. Donc, l'aide financière... C'est là le problème. Voilà le problème. L'aide financière, à la fin de l'année, va vérifier les revenus de l'étudiant. Et où vont-ils vérifier les revenus de l'étudiant? Chez Revenu Québec. Et Revenu Québec voit apparaître, sous une certaine ligne, autres revenus, les fameux gains en régime enregistré d'épargne études. Donc, l'étudiant, en plus de son salaire, voit ce montant-là apparaître comme autre revenu. Alors, ça vient complètement débalancer ses revenus. Et là, l'aide financière lui dit, ben, écoutez, mon cher monsieur ou ma chère madame, vous avez un revenu supplémentaire, par exemple, de 5 000. J'ai retiré 5 000 pour mes RÉ. Vous devez expliquer pourquoi vous avez gagné 5 000. Et 5 000 étant une différence majeure pour eux, ben, l'année suivante, il se peut que le montant d'aide financière soit amputé pour qu'ils récupèrent le trop versé. Tu n'auras pas à rembourser ce qui a été versé. Non, il ne faudra pas rembourser immédiatement. Mais c'est certain que les versements suivants d'aide financière vont être amputés à ce moment-là parce qu'ils vont dire, ben, cette année-ci, on vous a versé trop. Ça. Donc, les années suivantes, on doit récupérer ce montant-là. Donc, il faut vraiment faire attention. On a essayé de voir avec des comptables s'il y avait des possibilités de faire, par un petit tour de magie, d'être créatif, comme disent les comptables, et de trouver un moyen de retirer ce montant-là. Et puis non, c'est vraiment, étant donné qu'il y a un T4A qui est produit, il n'y a pas de possibilité. Par contre, je sais qu'il y a une exemption possible de 8 000 $ pour les étudiants, mais là, je ne peux pas vous préciser si c'est au niveau des revenus total ou au niveau, justement, des versements en RÉ. Alors, le meilleur conseil que je peux donner aux étudiants, vérifiez avec un comptable, quand vous faites votre déclaration de revenus, comment ce montant-là peut être géré et justement vous informer de l'exemption de 8 000 $ qui est disponible. Parce que c'est un comptable qui a des étudiants qui nous a dit ça. Il a dit, mais moi, mes enfants, je profite de l'exemption de 8 000. Donc, au moins... Ça sauve ça. 8 000, si c'est sur les revenus total de l'étudiant, ben, ça devient intéressant à ce moment-là. Et puis, sinon, en fait, il pourrait pas juste changer la feuille de calcul pour intégrer ça aussi? Ben, à ce moment-là, là, on tombe dans le lien entre deux ministères. Et des fois, c'est un petit peu difficile parce que c'est certain que l'aide financière va dire nous, non, on est correct, on ne la demande pas ce montant-là. Et c'est vrai, on le voit apparaître nulle part dans la demande d'aide financière. C'est Revenu Québec. C'est à la fin. Voilà, c'est Revenu Québec qui l'exige. Et là, Revenu Québec va dire oui, c'est normal, il y a un T4A qui est produit, donc ça doit être mis dans la déclaration de revenus. Puis je sais qu'en ce moment, on est dans une année où on essaie de trouver des solutions financières. Je fais partie d'un comité avec d'autres responsables d'aide financière des universités, puis on essaie de trouver des solutions justement qui permettront aux étudiants d'avoir un certain, permettez-moi l'expression, break financier pour les aider avec la hausse des frais de scolarité qui va être effective à partir de l'an prochain. Puis ça pourrait être un cheval de bataille qu'on aurait parce que l'aide financière aux études nous dit, ben on a mis beaucoup de choses en place pour l'an prochain pour aider les étudiants. Tout ça, on ne veut pas mettre d'argent supplémentaire, mais par contre, de réussir à réduire certaines choses. Il y a ça, puis il y a les pensions c'est alimentaires aussi, que je vous parlerai peut-être une autre semaine. Donc, c'est deux chevals de bataille qu'on a, là, qu'on aimerait regarder avec eux, s'il y a moyen d'éradiquer complètement ces montants-là pour permettre aux étudiants d'avoir d'autres ressources financières à leur disposition pour faire face à la hausse des frais de scolarité, bien sûr. Ah, très bien. Alors, on va essayer de travailler fort pour aider nos étudiants. Yes, sir. C'est parfait. Ben oui, certain. Oui. Bonne initiative, ce comité-là. Voilà, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, messieurs. Yann Martel. Oui, du service aux étudiants. Bien sûr. Donc, barre oblique, aide financière. On t'appelle comme ça dans ton dos, barre oblique. Aide financière. C'est bon à savoir. Comme ça, quand je vais entendre le nom sur le campus, je saurai qu'on s'adresse à moi. Voilà. On va essayer de propager la nouvelle, tout le monde le sait. Yann Martel, on te retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, messieurs. Merci à vous. À 8h30. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. On va l'entendre, un petit bloc de francophones. Voici Erewhon et le roi. Tu ne veux pas me voir à la télé, ainsi tu te branches, Sentiment et la pièce qui est en position, je crois, numéro 1 du palmarès francophone cette semaine. Tu n'aimes pas me voir à la télé. Est-ce que ça l'est? Je dis n'importe quoi. J'ai pas la feuille. Je dis n'importe parce que quoi. Dans ma tête, c'était haut, mais je sais pas ça. Qui est le sentiment? Qui est le sentiment? Qui est le sentiment? Qui est le sentiment? Qui est le sentiment? Non. Non. C'est quoi? Deux? Trois? Ça paraît que François n'aime pas le palmarès. 18, pour vrai? Ben, t'as pas juste une bonne date. Ah, d'accord. Donc, qui est le sentiment? C'est pas grave, laisse faire. J'ai toujours l'assemblage Ricky, il nous reste 15 minutes ensemble. C'est pas intéressant, François. Cherche pas. Okay, j'en trouve pas de bonne date. Il y a toutes les feuilles des palmarès de l'été, je pense, dans le studio en ce moment. Super. Quel beau moment qu'on vit ensemble en ce moment, non? Non. Erewhon est en cinquième, en tout cas, qu'on l'a entendu tantôt, ça je le sais. Ça, c'est tout à fait pertinent de le savoir. Hmm. J'ai pas les derniers palmarès. Ça fait vraiment comme 20 minutes qu'on cherche, j'espère. Ouais. C'est la position numéro 18 en nouvelle entrée. Voilà. Alors, on va l'entendre, Library Voices. Si je peux te le dire, Library Voices, regarde, je l'ai d'en face, je vais te le dire, c'est la position numéro 10, ça monte de 8 places, c'était nouveau la semaine passée. Voici If Raymond Carver Was Born in the 90s. Pire intervention à date. Dans à vie. Malade. Yeah. Mes Agriot et Jupiter à Assemblage Rocky, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Déjà un nom de fête et demain, déjà notre dernière. Émission. Moi, tu vois, je vois pas la dernière. Je vois pas la dernière comme étant une bonne chose. Je vois la dernière comme étant. Crime, trois jours sans émission. Trois jours sans émission. Le vendredi, par exemple, je t'avoue que j'aime beaucoup ça. Je me lève un peu plus tard. C'est plaisant, hein? Ouais, c'est vraiment plaisant. D'ailleurs, demain, on reçoit Simon Fitzbé. Oui, avec sa chronique Phénomène. D'être plaisant. C'est vrai. Simon Fitzbé va être là. À 8h30, qu'est-ce qu'on a? François Landry, sa chronique politique. Oui, on va parler politique. Ça va être fort intéressant parce que ça a l'air à jouer dur là, en politique. Ça joue dans les coins, hein? Ouais, c'est ça. Restez à l'écoute pour le dîner de Contento à 11h et puis plus tard en journée, la spirale à 13h. Et puis ça, c'était en journée, en soirée, 6 degrés avec Kim Bergeron, Kimmy Burge à 16h. Puis Kimmy Burge. Mais là, t'avais une émission de rap, faut que tu lui donnes un surnom. Là. Rap Contact à 17h, ou c'est blanc ou c'est noir à 19h, puis on termine en transe avec PsyTR à 21h. Passez une excellente journée. À demain, François. Bonne journée, Mathieu. On se quitte sur une pièce de MGMT, Flash Delirium, évidemment, parce qu'on l'adore. Hein. C'est pas mal celle qu'on aime le plus. Puis c'est ça, là. À demain. À demain. Bye-bye. Bye-bye.